les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Jouer avec les mots, jouer avec la littérature, jouer avec le théâtre. Avec évidemment amour et respect. Mais tout en saccageant le texte. Dans Les Décraqués, le 22 septembre 1989, sur France Culture, Bertrand Jérôme n'hésitait pas à livrer Racine en pâture à ses invités. Version libre, il y a des traductions fidèles et puis il y a des versions libres. Une même idée, un même récit peut être exprimé par le moyen de différents types de langages, des langages imaginaires, éclatés ou appartenant à des pratiques particulières. La langue poétique, mais aussi l'argot, le patois, le langage érudit, administratif, le charabia ou le walapu. Soit un texte connu, celui choisi aujourd'hui est magnifique, c'est le célèbre monologue de Phèdre avouant son amour à sa confidente nonne, que Vassilis, Alexakis et Gébé vont saccager en nous en donnant une version personnelle. Mais d'abord, l'original, dit avec toute sa sensibilité, par François Caradec dans le rôle de Phèdre. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Égée, sous les lois de l'hymen, je m'étais engagé, mon repos, mon bonheur, semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger et brûlé. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables d'un sang qu'elle poursuit, tourment inévitable. Par des vœux assidus, je crée les détournés. Je lui bâtis un temple, y pris soin de l'orner. Des victimes, moi-même, à toute heure entourées, je cherchais dans leurs flancs ma raison égarée d'un incurable amour remède impuissant. En vain, sur les autels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des autels que je faisais fumer, j'offrais tout à ce Dieu que je n'osais nommer. Je l'évitais partout. Ô comble de misère, mes yeux le retrouvaient dans les traits de son père. Contre moi-même, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à le persécuter. Pour bannir l'ennemi dont j'étais idolâtre, j'affectais les chagrins d'une injuste marâtre. Je pressai son exil, et mes cris éternels l'arrachèrent du sein et des bras paternels. Je respirai, Hénon. Écoutez, je ne sais pas comment vos camarades ont transcrit ce texte. Ils l'ont probablement saboté. Salopé. Mais vous, en le disant, vous nous avez gâtés, là. Vous l'avez, hein? Vous l'avez bien salopé mais... aussi. Non, je savez, trouve que François Caradec, en travesti, le jouerait très bien. Bon, alors écoutez, rendez-moi ce texte. Et Vassilis Alexakis, quel type de version avez-vous commise? Une version humaine, en plus humain, en plus frêle. Est-ce que vous avez trouvé que le texte n'est pas assez humain? Si, c'est un peu, enfin, on peut humaniser davantage, toujours d'ailleurs, oui, on peut oui. essayer. Oui. Donc, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, Simone? Je t'assure que j'étais bien contente de me marier, enfin la paix, je me disais, ça allait bien, jusqu'au moment où je ne sais quel putain de sort a mis Paul sur mon chemin. Alors j'ai craqué, je suis devenue toute chose. J'ai commencé à oublier mes affaires un peu partout. Ça t'arrive pas, toi, de perdre tes affaires quand tu es amoureuse? Moi, j'ai perdu une sandale à l'agora, j'ai cassé une amphore dans la cuisine. Le sous-titrage est difficile, hein, parce que... Je peux te dire que j'ai tout fait pour guérir de cette fièvre. Je suis même allé voir une sorcière. Elle m'a fait avaler de la poudre de serpent mélangée à de l'urine de batracien. Je ne savais pas que les batraciens urinaient, mais c'est normal après tout. Avec toute la flotte qu'ils doivent ingurgiter, est-ce que les serpents urinent aussi? Je n'ai pas pensé à le demander à la sorcière. Je lui ai payé une fortune. Elle a entièrement refait son appartement, cette salope. Tu verrais les rideaux qu'elle s'est payés, comme à la Comédie française. Mais t'as pas besoin de rideaux comme ça, je lui ai dit. Il ne se passe jamais rien dans ta rue. Ces remèdes n'ont servi à rien, bien entendu. À travers la fumée que dégageaient les espèces de choses qu'elle faisait brûler pendant les séances de travail, c'est Paul que je voyais. T'as une minute encore? Mais on ne peut jamais te parler. Qu'est-ce que tu as à être si pressé? Écoute-moi un peu. À quoi ça sert d'avoir des amis s'ils ne servent à rien? Le jour où tu seras dans le même état que moi, tu seras bien contente quand je te laisserai t'exprimer. Ce que je voulais te dire, c'est que j'évitais Tant que je pouvais ce garçon, je te jure que c'est vrai, mais je le retrouvais, hélas, toutes les nuits sous les traits de son père, à tel point que je ne savais plus avec qui je faisais l'amour, qui je trompais avec qui. Son père lui ressemble drôlement et pourtant il me dégoûte. C'est curieux, non? Ah oui? Il a la couleur de son fils, il a le goût de son fils, mais ce n'est pas son fils, voilà. Pour couper court à notre idylle, j'en suis même arrivé à adopter un comportement absolument dégueulasse à l'égard de ce garçon, au point qu'il a fini par quitter la maison, ce con. Mais qu'est-ce qu'il y a, Simone, à la fin? On t'appelle sur une autre ligne. Bon, excuse-moi. Je raccroche, mais aussitôt que tu auras fini, tu me rappelles. Ou plutôt, rappelle-moi dans une heure ou deux. Je dois voir Paul bientôt, et je crois bien que je vais tout lui avouer. Je te raconterai la fin de l'histoire. Ah bah écoutez, oui. C'est aussi émouvant, hein. C'est plus humain, non? Plus humain, oui. C'est la voix humaine. Ouais. Ouais, c'est ça. On aimerait bien connaître la suite. Et alors, on la connaît d'ailleurs. On la connaît. On l'a apprise en tous les cas. On l'a su. Oui, mais enfin Simone. Alors, GB, vous avez aussi fait, je crois, une version libre de ce texte. Qui pourrait être une variante de Phèdre si on avait donné à Phèdre plus de chance. C'est dommage qu'un personnage semblable n'ait eu droit qu'à une tragédie, quoi. C'est juste. c'est l'équivalent de Batman, tout de même. Ah oui, on pourrait faire une belle BD. L'exemple est très bien choisi. C'est ça. Surtout ce que l'on voit en ce moment, c'est gratiné. Il pourrait bien avoir Phèdre au pôle Nord, Phèdre les extraterrestres, le retour de Phèdre, etc. Et moi, j'ai traité Phèdre chez le docteur. C'est Bec et Laverne, quoi. Chez le docteur. Et là, c'est... Enfin, excusez-moi de vous poser cette question. Je vois que vous avez pris le problème de très haut. C'est quand même la scène en question. Ah, tout à fait. Vous me rassurez. D'ailleurs, vous allez voir. Ben, le docteur, c'est une femme, non? C'est une nonne. Les premiers mots sont tout à fait... Le Racine les reconnaîtrait. Mon mal vient de très loin, docteur. À peine marié au fils Égé, de la chaîne des magasins Égé, alors que tout aurait dû aller pour le mieux et que ma santé, en effet, me semblait affermie. Quel affreux. Athènes, c'est ma belle-mère, m'ouvrit les yeux sur mon état général. Depuis, je n'arrête pas d'avoir des rougeurs, ou bien je pâlis, ma vue se trouble. Si mon âme est perdue, par exemple, impossible de la retrouver. Mais mes yeux ne voient plus rien. Je ne peux plus parler. Je sens tout mon corps transir et brûler. Un exemple. Je crois reconnaître Vénus, et c'est le fourneau à gaz qui me brûle de ses feux redoutables. Confusion déplorable. Ça t'en est amoureuse. Alors, oui. Je me tourne les sangs. Par des cachets assidus, je crois les retourner, rien à faire. Je fais des cures dans les temples de la thalassothérapie. À toute heure entouré, je me fais masser les flancs, peine perdue. Argent jeté par la fenêtre. D'un incurable mal, remèdes impuissants. En vain, chez les voyants, ma main signait des chèques. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse guérison, mon mal redoublait, l'hypocrite. Même dans les hôtels, j'arrêtais de fumer. Ça, c'est un très beau verre. Ah, c'est un verre magnifique. Même dans les hôtels, j'arrêtais de fumer. Ah, il est beau celui-là. Je préférerais même dans les motels. Même dans les motels, c'est encore plus joli. Oui. Même dans les motels, corrigé. Oui. Même dans les motels, j'arrêtais de fumer. Voilà. J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer Hippocrate. Je le nomme, évidemment, quand même. T'as déjà eu hypocrite, hein. C'est ça. Mais, comble de misère, je retrouvais mes rhumatismes hérités de mon père. Contre mes maux, enfin, j'osais me révolter. J'excitais mon courage à venir consulter. Pour mettre un terme ultime à ce mal de chien, Phèdre, me suis-je dit, va voir le praticien. Et me voici, docteur. Et le professeur Hénon répond, déshabillez-vous, madame. Docteur Hénon. Médecine générale. La seule chose étrange de ce texte, c'est quand elle dit je ne peux plus parler. Parce que qu'est-ce qu'elle raconte oui, mais ça, ça arrive dans les tragédies, on trouve des choses comme ça. Oui, ça je meurs. Oui, j'ai tout. Je parle encore. J'ai tout. C'était Les Décraqués par Bertrand Jérôme, version libre, avec Vassilis Alexakis et GB, réalisation Monique Bailly, première diffusion sur France Culture le 22 septembre 1989. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Thank you.